Bienvenue dans cet épisode spécial de Marvelicious où l'on plonge dans l'univers sombre, dérangeant et fascinant de Marvel Zombie, la nouvelle série animée signée Marvel Studio, je dirais même plutôt Marvel Animation, puisque maintenant quand on regarde le générique, c'est écrit Marvel Animation. Alors imaginez-vous un monde où les Avengers ne sont plus les sauveurs de l'humanité, mais sa pire menace, un virus mystérieux a transformé nos héros en créatures affamées, intelligentes et surtout incontrôlables. Alors les amis, nous sommes accompagnés de deux bêtes, deux hommes qui aiment les zombies. Mes amis de toujours, qui ont aussi chacun leur podcast, qui fait partie du même univers. Multiverse. On va commencer par le premier, le plus beau. Bonjour Olive. Bonjour. Tu vas bien? Comment allez-vous? Ça va? Nickel. C'est fini la réponse tout seul. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Nickel. Oui, ça va. Et toi? Avec une voix suave, ouais. En plus. Oui, ça va, ouais. T'es Je suis content d'être là. Ça fait longtemps. Dis-moi. Et puis Magic Mouse. Petite pause de Magic Mouse. Pour venir sur Marvel. Pause, bah, on en a fait un la semaine dernière. Oui, mais pour venir chez Marvelicious. On va parler bien sûr, de zombies. Bah, toujours. De zonzon. De ZZ. Tu aimes bien les zombies? Oui, j'aime bien les films de zombies. Enfin, oui, on en parlait tout à l'heure. Il y avait une série télé que j'aimais beaucoup, iZombie. Ah, bah tu nous en parles tout à l'heure, parce que je ne connais point, je connais le comics, mais je ne connais pas la série, peut-être tu vas me dire que c'est peut-être la même chose. La série est pas mal du tout, j'ai pas tout vu, mais elle était pas mal du tout. Et on a notre deuxième ami et compère, Tony, bonjour. Bonjour. Ça va? Écoute, ça va bien, on enregistre, ça fait toujours du bien d'enregistrer. Et pour parler un peu de Marvel, parce que Star Wars, Disneyland Paris, ouais. Ça fait du bien aussi. Il y a un peu de zombies, tu aimes aussi les zombies? Oui, j'aime beaucoup les zombies, j'ai toujours bien aimé cet univers de zombies. Je reste très attaché à ce type de créature. Je trouve ça marrant en fait. Surtout tous les aspects qu'on peut avoir avec des zombies intelligents, des zombies pas intelligents, des rapides, des lents, des... Ah. Faire plein de trucs avec des zombies. Pour en parler tout à l'heure de séries ou de films de zombies. Donc vous avez vu tous les deux Marvel Zombies, la série qui est sortie pendant la période pendant l'automne. Donc si vous avez pu voir les gens, c'est fin septembre que c'est paru. Je crois que c'est 4 premiers épisodes d'un coup, si je me trompe pas. Je sais plus s'il y a eu 4 épisodes d'un coup. Moi, je sais que je les ai vus en une fois. Ils ont tout mis d'un coup, je crois. Ils ont tout sorti en une fois, ouais. Ouais. Il me donne le doute, parce que des fois c'est un seul, des fois c'est 4 d'un coup, des fois c'est 3 la première semaine, et puis après 1. Ils commencent à me perdre. Donc, si j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la boulette, j'ai dit Marvel Studios, mais en fait, maintenant c'est Marvel Animation. Ils intitulent comme ça. Oui. C'était... Mais je crois qu'ils avaient déjà fait ça sur Rise of Wakanda, non? Je ne sais point. J'ai ça en tête. Faut que je regarde, mais je crois que oui. Je crois qu'ils l'ont fait aussi, ouais. Je ne l'ai même pas vu, celui-là. Ah, c'est vrai? C'est vachement bien. Rise of Wakanda, faut que tu l'aies regardé, c'est trop bien. Il paraît que c'est bien, mais je n'ai pas vu. Tu vois Iron Man, mais tout le reste est au-dessus. D'accord. Tu vois les Gardiens de la Galaxie 3? Eh ben c'est en dessous. C'est pas pareil. Donc c'est entre Ironheart et les Gardiens de la Galaxie. Ah d'accord. T'es large. Là t'es très large. T'es très large. Donc la série Marvel Zombie. Du quoi tu dis ça? Voilà, tu vises large. Tout le monde te dira que tu vises large. Donc la série Marvel Zombie est née d'un concept assez culte dans les comics. Donc vous avez tous entendu parler de des comics Marvel Zombie. Mais savez-vous par qui a été créé, qui a été le cerveau qui a imaginé Marvel Zombie? Il est connu, je vous aide. Ou pas, à votre avis? Moi, pas du tout, j'en ai aucune idée. Si je te dis The Walking Dead. Ah, Je ne me rappelle plus l'auteur. C'est Robert Kirkman. Donc c'est lui qui, dans les années 2000, avait proposé une alternative à l'univers Marvel, justement, avec Spider-Man, Iron Man, Captain America, bref, tous les super-héros qui sont infectés par une épidémie zombie. Mais contrairement aux zombies classiques, ceux-là, ils parlent, ils pensent, ils ont encore leur pouvoir, et puis ils dévorent aussi les gens et les super-héros. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de ce comics-là ou pas? Oui. Non. Moi, pas du tout. J'ai jamais lu, mais j'en avais. En fait, ça a toujours fait partie de ceux que je me dis, je les lirai un jour. Mais j'ai jamais lu. Bah, je pourrais te les emmener, ce que je les ai là. Je pourrais te les ramener si tu veux. Ah ouais, le cas. Si tu veux. Ouais. Si tu veux, tu partages avec Olive s'il veut aussi les lire. Hein, c'est en plusieurs tomes. Oui, c'est toujours intéressant. Alors, ouais. L'histoire, elle est très simple. En fait, c'est Reed Richards, des quatre fantastiques, qui découvre une terre parallèle. Et en fait, sur cette planète, quand il arrive, il y a déjà le virus zombie. Et en fait, tout le monde est dans un monde post-apocalyptique. Et en fait, t'as les quatre fantastiques qui arrivent. Oh, bonjour, c'est quoi cet univers? Il a l'air sympa et tout. Et puis là, en fait, il n'est pas si sympa que ça. Voilà. C'est l'histoire des quatre fantastiques dans ce monde-là, sachant qu'il y a encore des super-héros qui ne sont pas infectés, etc., etc. Bref. Pour dire, c'est une série à lire. Je crois qu'il y a 4 tomes, à mon souvenir. Mais on les a vus aussi dans les What If. Voilà, et aussi dans les What If. Mais c'est pas du tout la même histoire, du coup. Vous vous souvenez ou pas de l'avoir vu dans les What If dans la première saison? Je me souviens qu'il y avait un épisode dessus, ouais. Mais vaguement, hein, franchement. Le détail, pas trop. Ah ouais? Parce que pourtant, il a marqué un peu par du temps les esprits. Je me souviens que j'avais bien aimé, en fait, mais. En fait, ça date quand, la première saison de What If? Ouais. Hein, ah oui, ça date. C'est l'épisode 5 de What If où, en fait, qui a assez marqué les esprits des gens, puisque c'était la première fois qu'on eu des zombies dans l'univers Marvel. Et Marvel Studios avait justement profité de la hype de Marvel Zombie pour aller plus loin et créer cette série en 4 épisodes. Voilà ce qu'on peut dire en introduction sur cette série. Alors, de premier abord, avant de voir la série, quelle était votre motivation à aller la voir, Olive? Moi, sincèrement, j'en avais aucune. Donc, du coup, j'ai pas regardé. Si, j'ai regardé. Hein, j'ai regardé l'intégralité par curiosité et puis pour me faire un avis. Je vois pas l'intérêt du truc, en fait. C'est rigolo. Je sais pas si on parle si on peut dire ce qu'on a pensé. Non, pour l'instant, on est juste mais... comment tu as appréhendé la série. Donc, t'as dit pas plus que ça. Par curiosité. Par curiosité. Ouais, non, ça m'intéresse. Le principe ne m'intéresse pas, en fait. D'accord. Et toi, Tony, comment tu l'as appréhendé? En fait, je me suis dit. Alors, honnêtement, je me suis dit que c'est ça. On allait juste suivre la suite de ce qui se passait dans What If. Bon, finalement, c'est pas le cas. Et du coup, je me dis, pourquoi pas la regarder. En fait, je prenais ça un peu comme les Star Wars Vision, où on sait que c'est pas tout à fait dans le lore officiel, mais c'est sympa à regarder en plus. Et puis, comme je disais, j'aime encore bien les trucs avec les zombies, les trucs un peu différents. Je me dis, allez, pourquoi pas, on va la regarder. Mais j'ai pas sauté sur Disney+ quand c'est sorti, quoi. J'ai attendu, j'ai attendu d'avoir le temps de les regarder tranquillement. Ouais, pareil. Je les ai regardés, je sais plus, 2-3 semaines après, je crois. Je suis pas motivé à regarder tout de suite. Voilà. Sachez que dans le casting vocal, c'est le même que dans les What If, en fait, c'est les acteurs originels qui font les voix des personnages qui leur correspondent. D'accord. Ouais. Donc, je me suis posé la question. C'est les vraies voix de. Je sais pas si en français c'est le cas aussi. Ah putain, je m'en rappelle plus. J'ai pas l'impression, non. Je pense pas qu'on. Donc pas d'appréhension particulière, jure. Curiosité. Voilà, curiosité de regarder, si j'ai bien compris. Exactement. Et justement, de manière générale, et on détaillera après, comment toi, Olive, tu as perçu cette série, on va dire? Alors, j'ai bien aimé les deux premiers épisodes, surtout par la mise en scène que j'ai trouvée très dynamique et assez spectaculaire, vraiment bien faite. Mais ça m'a vite lassé, en fait. Au bout du troisième, j'en avais marre. Et ma culture étant complètement nulle en comics, donc je ne connaissais pas du tout cet univers. Et j'ai, j'ai, j'ai, J'ai pas compris l'intérêt de cette série. Ça, pour moi, ça n'apporte rien. Et je trouve qu'il y a un côté très glauque de voir ces super-héros. Alors, je pense qu'il ne faut pas le conseiller aux jeunes enfants. Parce que voir ces super-héros se faire trucider de manière gore, ça m'a mis un peu mal à l'aise. C'est déconseillé au moins de 17 ans, je crois. Si je me souviens bien. Ah oui, c'est malaisant. Moi, j'ai trouvé ça un peu malaisant. J'ai pas aimé voir, tu vois. Mes super-héros se faire éviscérer. C'est Captain America, quoi. Genre, il était arrivé enfin un demi Captain America. Du ouais, coup. Mais tout le monde, il n'y a que Spider-Man qu'ils ont. C'est la moitié de l'eau qui était. non, moi ça m'a. J'ai pas compris l'intérêt, enfin, je. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est la série qui était TV-MA, ce qui signifie qu'elle est réservée aux adultes et inappropriée pour les gens de moins de 17 ans. Et puis la fin, j'ai pas aimé la fin non plus. Bah, si on peut parler d'une fin. Si on peut parler d'une fin. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement. C'est une fausse fin. Mais après, par contre, visuellement, moi, les deux premiers m'ont accroché parce que c'était. La mise en scène était vraiment bien. Après, bon, au bout du troisième, c'est un peu toujours la même chose. Quoi. Côté animation, on retrouve quand même le style de What If. Hein. Voilà. Mieux fait. Les scènes d'action sont vraiment. C'est de la grande mise en scène, quoi. Et l'ambiance sonore, est-ce que tu as essayé. Non, peut-être pas essayé de te concentrer dessus. Je trouvais que. Non, pas du tout. D'accord. Je ne me suis pas concentré. Alors, juste par curiosité, essaye de regarder. Je crois que c'est le deuxième épisode. Mm-hmm. Et juste te concentrer sur l'ambiance sonore, ouais. Je trouve que c'était pas mal. D'accord. Bah, j'ai bien aimé le deuxième. Ouais. Enfin, les deux premiers, j'ai bien aimé. Donc, et toi, donc, du coup, d'une manière générale, comment tu as apprécié cette série ou pas? Non, j'ai bien aimé la série. Franchement, j'ai bien aimé la série. La fin, tirée par les cheveux, bon, un peu trop facile, je trouve. Après, ouais, il y a le petit twist à la vraie fin. Et alors, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'ils se concentrent sur des personnages. Enfin, honnêtement, j'aurais pas vu ces personnages-là vraiment. Enfin, se centrer sur ces personnages-là dès le départ, en fait. Je pense que c'était un peu. Alors, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. C'était, on va introduire un peu des personnages de Young Avengers qu'on verra un peu plus tard, peut-être. Une introduction pour voir comment le public perçoit le groupe. Ouais. Moi, j'ai pris un peu comme ça. Parce qu'honnêtement, c'est pas forcément les héros que j'aurais choisi au départ. Mais bon, pourquoi pas, après, ça passe. Tu aurais choisi qui? C'est. Directement comme l'épisode 5, directement Ant-Man dans sa bouteille en verre là. Ouais, c'est ça, direct des plus matures dès le départ, ouais. Mais après, franchement, ça passe bien. Hein. C'est une bonne. Enfin, la série est chouette. Il y a des petits rebondissements. De manière générale, j'ai bien aimé toute la série. Bon, après, il y a que 4 épisodes aussi, donc c'est pas. Ce qui est bien, c'est qu'ils tirent pas. Ils ont pas tiré ça sur 10 épisodes pour dire de faire 10 épisodes, quoi. Bah déjà, oui, déjà c'est redondant au bout de 4. Alors 4, c'est. Bah, c'est court quand même. En gros, il y a une situation de départ, il y a un petit retournement de situation, et puis on passe à l'étape suivante. Enfin, c'est vraiment une quête en fait, où ils passent d'un step à l'autre jusqu'à arriver. T'as l'impression que c'est tout le temps une quête à droite. Ouais, c'est ça. Toujours une quête. Chaque épisode, tu te dis, ils vont arriver dans un nouveau lieu, quoi, pour apprendre un nouveau truc. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que. Je regarde juste si j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas sûrs la saison 2. Je crois qu'ils n'ont pas. Non, c'est ça, elle n'est pas confirmée la saison 2. Non. Voilà. Je voulais être certain. Donc, dans Marvel Zombie, on y suit Kamala Khan, quand on parlait tout à l'heure des personnages un peu Miss Marvel, qui est accompagnée de la copine d'Olivier Ironheart. Voilà. Et de ma copine à moi, que j'aime, Kate Bishop. Voilà. Qui sont en fait trois survivantes. Et on suit leurs aventures puisqu'elles découvrent un objet qui permettrait de connaître l'origine du virus ou comment peut-être l'éradiquer. Donc on est et puis on suit leur aventure. Alors c'est vrai que la spécificité de chaque épisode, c'est qu'elles vont à chaque fois dans un lieu. Alors je crois que le premier c'est la base avec la chambre rouge là, avec Elena, voilà. Avec Red Guardian. Voilà. Guardian, ouais. Après, ils arrivent chez Thor. Non, c'est pas tout de suite. Thor, je crois que c'est dans le 3, ouais. Ah non, dans le 2, c'est avec The Rift. The Drift, voilà, c'est ça. Oui, avec Zemo, à mon souvenir. Oui, c'est ça. Avec les Atlantes. Ah, tu vois, c'est un épisode que j'ai bien aimé, celui-là. C'est vrai qu'il était bien, le 3 avec les Atlantes zombies, j'ai beaucoup aimé. Troisième, c'était chez Thor. Et le quatrième, c'est quand ils vont sauver chez Hulk. Ils vont aider Hulk à ne pas se faire bouffer. Voilà. Oui. Donc on suit les aventures de Kamala Khan et effectivement on est parti d'un trio. Je suis un peu d'accord avec Tony, j'ai l'impression qu'ils essayent de tester quelque chose peut-être, voir s'il fonctionne, si les fans ont pris goût. Et on pourrait penser, en regardant alors, les différentes scènes post-génériques, dont une où t'as Kamala Khan et Kate Bishop dans la même pièce qui parlent. Je crois que c'est ça. Mmh. Mais je sais plus c'est dans quoi qu'on l'a vu. Bah, c'est dans... Je crois que c'est à la fin de Miss Marvel. Miss Marvel, ouais, je crois que c'est ça. Olivier, je pense que c'est ça. Souviens... Non, c'est pas... T'es sûr ou c'est pas plutôt à la fin de The Marvels? C'est laquelle de sorte? C'est la scène post-générique où ouais. Elle est avec Kate Bishop et il parle. Et je me demande si c'est pas la scène post-gène de The Marvels. Je ne sais plus. C'est bien possible, je ne me rappelle plus. En même temps, ça ne nous a pas marqué. Non, la post-générique de The Marvels, c'est... C'est Kamala. C'est, non, c'est pas Nick Fury. Non, c'est dans The Marvels. Ah, tu vois, c'est The Marvels. C'est peut-être le seul truc que j'ai retenu au final de ce film. Non, t'as retenu les petits chats. Les petits chats. Ouais, c'est que les chats. Les chats zombies. Ouais, c'est ça, j'ai retrouvé la scène. Ouais, c'est à la fin de The Marvels. The Marvels, tu vois. Voilà. Voilà, donc. Bon, alors, si j'ai bien compris, toi, Olivier, c'est les deux premiers épisodes qui t'ont particulièrement marqué. Si j'ai bien compris. Oui. Oui, oui, après, j'ai apprécié la mise en scène. Après, l'intérêt, j'ai pas. D'ailleurs, vous allez m'expliquer quel est l'intérêt de cette série. C'est quelque chose totalement à part. Oui, c'est à part. Mais je pense que c'est parce que s'ils voulaient profiter de la hype de l'épisode 5 de What If, je pense. Je sais pas, parce qu'ils disent qu'en fait, en tout cas, sur Wikipédia, ils disent que ça fait partie de la phase 6. C'est pas impossible. Ils disent qu'elle fait partie de la phase 6 du MCU, donc je suis assez étonné quand même. Bah, je sais pas. Okay. Après, on va tenir avec Secret Wars, tu pourras les intégrer aussi. Oui, c'est ça en fait. Donc, tu auras 12D Secret Wars, tu peux mettre qui tu veux dedans, au final. C'est vrai. Ouais, exactement. Alors, j'aimerais bien savoir quels sont les personnages qui ont eu votre attention particulière. Moi, j'ai bien aimé le combat entre. C'est quoi, c'est Icaris et Captain Marvel. Mmh. Le combat infini là. Je trouve que c'était intéressant en fait, ça rendait bien, visuellement c'était super beau. Après, le combat en lui-même, on voit pas grand chose, mais c'est celui qui est dans le désert bon, avec Miss Marvel. Ouais, c'est ça, c'est à la fin du premier épisode, je crois. Je me souviens bien. Ah, j'aurais cru que vous auriez dit que c'était Blade en Moon Knight parce que franchement, celui-là, j'ai trouvé génial. J'ai oublié lui. Olivier, t'as pas aimé toi Blade en Moon Knight? Ouais, je crois que c'est vraiment le personnage qui m'a attiré. C'était original et puis il était drôle en même temps. Puis ça fait plaisir de voir Blade en fait, ouais. En plus depuis tant qu'on l'attend. Puis même en Moon Knight, je trouvais qu'il portait bien le costume de Ronchou. C'était ça, c'était original effectivement. Ouais. C'est ça. Et j'ai bien aimé le Baron Zemo, comment il était présenté aussi. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Mais là on le voit enfin comme il est un peu plus dans les comics quoi. C'est ça. Parce que enfin dans la série sur Captain America, là j'ai oublié Falcon and Winter Soldier, il est présenté un peu comme un enfin. Je sais pas, juste comme un gars un peu minable qui a quelques contacts, mais alors qu'en fait, il est un peu fragile aussi. Ouais, un peu. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Parce qu'il est pas fragile du tout. Que là ici, il reprend un peu son côté badass qui est assez cool, je trouve. Et j'ai bien aimé les Atlantes zombies aussi. Je trouvais ça original de voir les Atlantes en zombies avec Namor en zombie. Je trouvais ça plutôt. Oh, ça crie à la maison. Il y a un zombie. T'as des zombies. Et Sophie chez moi. Wow. J'ai essayé de fermer la porte à clé pour pas me faire bouffer. Voilà. Est-ce qu'il y a des voilà des, à part ça, est-ce que vous avez des éléments qui vous ont plu entre guillemets? Moi, il y a que ça. Honnêtement, je vois pas. Je veux pas dire que l'histoire est originale, mais la mise en scène après. Tout le les reste, combats étaient pas mal aussi. Mmh. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a... les combats étaient cool. Qu'est-ce qui vous a déplu? Particulièrement, Olivier. Ben moi, si je te dis, c'est voir la mise à mort gore gratuite qui sert à rien de tes héros, quoi. Ouais. Je vois vraiment pas l'intérêt. C'est vraiment fait choquer pour choquer, quoi. L'histoire, pour moi, il y en a pas vraiment. Et puis je te dis, c'est redondant, quoi. C'est le combat, les combats violents par épisode où la moitié des les personnages se font décimer, voilà, on l'a compris deux fois, trois fois, quatre fois, c'est un peu beaucoup, quoi. Mais, j'ai pas du tout accroché. Et puis, comme tu disais, mettre en avant les personnages dont tout le monde n'en avait rien à carrer. Je comprends vraiment pas du tout la logique de Disney, en fait. Ils comprennent rien. Donc, ils font la même chose pour Star Wars. Ils continuent avec les choses qui ne marchent pas et qui ne plaisent pas au public. Et après, ils comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je trouve ça très, très bizarre. Et toi, Tony ? Un peu pareil, en fait. Je trouve ça un peu dommage qu'au final, tu t'attaches à un personnage et puis après, hop, il meurt. Bon, c'est un peu... Et après, bon, il y en a qui reviennent un peu, tu sais pas trop comment. Bon, il y a la fin qui laisse supposer que potentiellement, il n'y a pas grand-chose qui s'est réellement passé. En fait, je trouve que le scénario est un peu facile. Après, encore une fois, c'est une série d'animation, c'est 4 épisodes, donc on ne peut pas faire un truc exceptionnel non plus. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc peut-être un peu plus sympa, parce que quand on voit sur What If, sur un épisode, ils arrivent à faire des trucs de malade, quoi. Donc, ils auraient peut-être pu faire un peu mieux, je pense. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis comme tu disais, Liv, le fait que tu t'attaches vite, enfin t'as un personnage qui arrive, puis dans l'épisode il meurt, bon c'est un peu. Ouais, moi je pensais à Shang-Chi. Je trouvais qu'il était bien géré quand même. C'est vrai que j'ai bien aimé cette partie-là. Donc, avec Shang-Chi. C'est un peu gâché sur la fin. Il se garde des anneaux pour bloquer la progression de la maladie, tout ça, ouais c'est pas mal. Il y a toujours un personnage, à part Blade vraiment Moon Knight là qui était génial. Je trouvais ça. Shang-Chi que j'ai trouvé vraiment original. Ouais, il était au-dessus des autres. Ouais, il était au-dessus, mais Shang-Chi, je trouvais vraiment. Par contre, sa copine qui s'est manié les anneaux et tout, ça, j'ai trouvé ça. Ça m'a gavé. Voilà, c'était facile. Ouais. Genre 5 anneaux chacun. Ouais, c'est facile, ouais. Voilà. Surtout qu'elle y connaît rien en combat, alors je comprenais pas l'intérêt. Voilà. Ou j'ai raté un épisode, mais je pense pas. Bah, dans le film, en tout cas, elle se bat pas spécialement, quoi. Enfin, elle fait un peu d'art martial. Ouais, elle fait de la corde à sauter avec les anneaux, et puis. Ouais, c'est ça, quoi. Et j'ai trouvé que Scarlet Witch était mal exploitée. Mais vraiment. Elle est censée être la grande méchante, mais tu sais pas trop. En fait, elle est. Oui, tu la vois presque pas. Elle est pas. Puis elle crée une armée de zombies, tu sais pas pourquoi elle attaque Hulk réellement. À part pour les anneaux, enfin les pierres d'infinité, je pense. Franchement, à la série, tu comprends rien. Hein. Enfin, moi, j'ai rien compris. Hein. J'ai pas compris ce que je regardais, hein, franchement. Bah, en fait, mais tu l'as regardé. C'est bien déjà. Je me suis forcé les deux derniers parce que je sais qu'il n'y a que 4 épisodes. Et puis il faut faire plaisir à Benji parce que. Non, puis c'est court. Donc voilà, c'est une demi-heure l'épisode, donc ça va. Mais franchement, j'ai vraiment pas compris l'intérêt de. J'ai beaucoup plus aimé l'année dernière ou il y a 2 ans, quand j'avais fait sur Halloween, l'épisode en noir et blanc là. Werewolf by Night. Voilà, ça c'était intéressant. Tu l'as maintenant en couleur, mais c'est mieux en noir et blanc. Laisse tomber. C'est beaucoup mieux en noir et blanc. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Mais là, ils ont fait un truc qui sert à rien et que tout le monde a déjà oublié. Quoi. Donc, j'ai pas trop compris. Ils auraient pu faire un truc vraiment sympa, tu vois, comme les épisodes des Gardiens de la Galaxie à Noël qui étaient absolument génial. Puis là ils nous font un truc de zombie un peu facile qu'on a déjà vu dans What If effectivement. Je sais pas si la série était bien accueillie ou pas, mais on en parlera après. Moi j'ai vu un côté un peu bâclé après l'épisode 2. Ouais, bah c'est ce que je te dis, il fallait le sortir après un peu Echo, tu sais, où ils ont tout sorti d'un coup. Ironheart aussi, et boum, faut que ça c'est dans le calendrier, allez boum, allez, faut qu'on le fasse, faut qu'on le sorte, donc on le sort, quoi. Enfin, sur la fin, c'est pas bâclé techniquement, hein, parce que comme je le disais, c'est très bien réalisé. Mais l'histoire, ça tient sur un mouchoir. Hein. Oui. Et puis, moi, j'ai rien. Avec cette fausse fin qui finit sur un. Oui, en plus, oui, là. Oui, c'est ça, la fin. Enfin, je sais pas vous, mais la fin. Là, ça fait vraiment bâclé. Oui, et tu te dis, tu restes même pas sur ta fin, en fait, sur cette fin-là. Tu te dis. Mais non, en fait, le truc, c'est que ça te présente des possibilités, mais au final. Est-ce que tu veux vraiment en savoir plus? Tu sais, ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Tu te dis. Non, puis je te dis, ils mettent encore en avant Miss Marvel. Enfin, ils ont rien compris, quoi. C'est... Tu trouves que c'est. T'aurais préféré qui alors qu'ils prennent le dessus Je sais pas, mais un personnage que les gens ont envie de voir. Tu crois pas? Honnêtement, des trois du départ, moi j'aurais plus mis Kate Bishop en avant. Parce que c'était peut-être la plus intéressante. Parce que oui. Elle a pas spécialement de pouvoir. Mettez-la en avant. Enfin, tu vois, là, ils ont Miss Marvel, elle a ses pouvoirs, machin et tout. Bon, c'est bien, mais c'est pas ouais, exceptionnel. Ironheart, bon, voilà. je suis toujours pas convaincu. Red Guardian. Et en fait, je me dis, ils auraient pu mettre un peu plus en avant Kate Bishop, tu vois, enfin, que ce soit elle qui gère toute la quête du début à la fin, par exemple. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit Captain Carter. Captain Carter, ouais, mais elle était. Ouais, mais elle est pas de seconde là. La leader ouais. des. Et puis elle est déjà le leader des. Mais c'est pas grave. Des gardiens du multivers. Elle vient et puis. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Elle vient aider cet univers là. Mais bon. C'est. Ouais. C'est. C'est comme ça. Ça aurait pu être sympa, ouais. On n'y peut rien. Voilà. Bon, alors du coup, il n'y a pas de saison 2 de prévu, les amis. Donc, on va. Ouais. Pour l'instant, c'est pas officiellement annoncé, mais j'ai envie de vous dire, on peut s'en passer, je pense, non ? Oui, et puis je pense qu'ils ont des économies à faire un peu. Mais ça... faut qu'ils commencent à faire gaffe. Ouais. Bah, qu'ils nous réussissent Doomsday, puis après on verra s'ils peuvent faire autre chose. Ouais, bah, après j'ai cru comprendre que ça va retarder encore. Donc, on n'est pas près de. Ouais. Doomsday, ça va retarder. J'ai cru comprendre, j'ai vu un article passer. Ouais, il y a des rumeurs. J'ai vu un message passer. Sur mon Instagram. Je pense qu'ils sont un peu en... parce qu'il n'y a plus rien qui marche et ils doivent être en train de réécrire, à mon avis, constamment les scènes. Enfin, je sais pas. Ouais, bon, après, on verra bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, pendant qu'on est sur les personnages, je vais en citer quelques-uns. Est-ce que pour vous, Red Guardian, par exemple, il vous a marqué particulièrement ou pas ? Moi, personnellement, il m'a pas marqué. Bon, c'est le comic relief. Voilà, quoi. C'est ça. Même Lourdingue. À la fin, j'en avais marre. Ouais, un peu. Enfin, je sais pas vous, mais. Bah, le truc, c'est que déjà dans Thunderbolts, je l'avais pas trouvé exceptionnel. Enfin, il était là, c'était marrant, mais sans plus. Bah, ici, c'est un peu pareil, quoi. Enfin, il est là, c'est marrant, mais sans plus. C'est ça. Mais t'avais. Ouais, mais comme. Ouais. Il y a toujours le comique de service. Ouais, c'est ça, en fait. Non, il y a vraiment Zemo, Shang-Chi, et puis ouais, Blade qui sort du lot, quoi. Parce que... C'est vrai que Blade, il rend pas mal. Mmh. En plus, ce qui est cool, c'est que. Enfin, tu vois vraiment son lien avec Khonshu que je trouve Ronchou, pas vu Ronchou, aussi. Ronchou. Aussi. Ils disent Khonshu, mais c'est Ronchou. Ça s'écrit Khonshu. Et puis la sœur, tu vois, la sœur de Black Widow, là, j'ai oublié son Yelena... nom. Yelena Belova. Belova. Voilà, tu vois, mal exploité, j'aurais préféré qu'elle soit mise en avant, elle le dégage tout de suite. Ouais. Nora. Puis Miss Marvel, c'est bon, là, jusqu'au bout. Et je pense que c'était un test. Je... Bah, vous l'avez raté si c'était un test. Ouais, un test de quoi, Benji? Enfin, c'est quand même non, bizarre. Mais je pense qu'ils veulent tester le trio. T'es chez Disney, mais les gens s'en foutent. On a déjà eu. Ils s'en foutent. Mmh. On le sait déjà avant. Pourquoi ils rechargent? Ah, ils veulent tester. Enfin, ils veulent tester. Je pense que c'est ça. Bah, ils testent. Enfin, c'est déjà testé. Ouais. Les gens n'ont pas voulu. C'est pas adopté. Testé, mais pas adopté. Voilà. Ouais. En tout cas, si on nous donne notre avis. Après, oui. Parce que ça les intéresse, c'est autre chose. Mais... Moi, du moment qu'il y a Kate Bishop, ça me va. Bon, le reste, je m'en fiche. Côté zombies, donc quels sont les zombies que vous avez quand même apprécié revoir? Moi, je sais que Captain America, j'ai bien aimé, mais là, j'ai trouvé complètement gâché. Ouais, ouais. Quand même. Pareil. On aurait dit une sorte ah bon, de. Pourquoi bon, un demi super héros, il est coupé en deux, il est pas en entier. Ah ouais, mais ça t'a choqué, mais pas les autres super héros. Non, parce que moi, Captain America, tu me disais, c'est mon préféré. J'ai vu, tiens, pas une moitié d'être humain, quoi. Puis je sais pas, la scène était plus drôle qu'autre chose avec le Red Guardian qui le met KO et qui est content parce qu'il l'a crébouillé le crâne. Ouais, je t'ai battu. Ok. Bon. Ouais, mais en fait c'est que ça. Hein. C'est que du gore gratuit. Ouais, c'est ça. Choquant. Est-ce qu'il y en a un autre que je trouve un peu limite, parce que si tu fais pas gaffe que tes enfants regardent ça, ça doit leur faire bizarre de voir Captain America se faire trucider. Ils ont que suggéré la mort de Spider-Man. Ils n'ont pas osé aller jusque-là, bizarrement, parce qu'ils savaient que c'était le personnage le plus populaire. Mais les autres, franchement, c'est... Enfin, moi, je... Tu vois, c'est un peu comme s'il y avait un Star Wars zombie. J'ai pas envie de voir Léa se faire éventrer, arracher la tête. Enfin, c'est vraiment bizarre comme concept. En fait, si ça a amené avec un truc intelligent, ça peut être sympa, mais là, voilà, c'est mais en plus, le scénario, pour être gore, quoi. Mais c'est que ça, c'est gore pour être gore. Ça apporte rien, l'histoire. Et puis, ils sont pas super forts non plus. Hein. Faut dire ce qui est. C'est... C'est des épisodes déséquilibrés aussi. Oui. Tu dis, deux premiers sont bien. Troisième, il est quand même bien, mais il vaut pas le deux. Bon, le quatrième, voilà, c'est bon. Oh, le quatrième, honnêtement. T'as la moitié, c'est des combats. Des combats. En fait, le truc, c'est qu'ils auraient pu faire le quatrième dans le troisième et ça passait, quoi. Ils allongeaient le troisième. Ce qui était bien, c'est que t'étais content de revoir Spider-Man, Ant-Man et compagnie, les vieux de la vieille, quoi. Ah, t'es content de les voir et puis en fait, tu les vois même pas 10 minutes, un quart d'heure. Ils expliquent l'histoire vite fait. Non, ils préfèrent mettre les personnages qui ont plus bidé dans Marvel. Ouais, c'est ça, en fait. Pour être sûr que ça bide encore. C'est incompréhensible. Comme tu dis, ils auraient mis Ant-Man, Spider-Man en avant. Direct, ouais. Direct la suite. Je sais pas, quoi. Enfin, là, t'as pas envie de... Quand tu vois qui c'est... Enfin bon, bref. Ouais, puisqu'ils ont fait d'Iron Man, de récupérer son armure et... c'est quoi, c'est un canard en plastique, la tête, ouais. Je sais plus quoi. Ouais. Ah ouais, c'est marrant en deux minutes, mais... c'est un des personnages des plus... Tu sais que j'ai préféré regarder la série... la dernière série Spider-Man. Tu sais, qui est sortie. Le Freedom of the Road. Génial. Ouais, il est génial. Tu l'as pas vu, toi, Il y a une saison 2, non? Oui, il y a une saison. J'ai pas aimé. Ah, ouais? Non, j'ai bien aimé. Moi, j'ai adoré. Non. J'en ai aussi. Il y a une saison 2 de prévue, d'ailleurs, tellement que ça. J'en avais adhéré. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Comme série. Mais tu vois, celle-là, elle m'a plus attiré, alors qu'à la base, je fais, ouais, pff, tu vois. Oui, non, mais là, c'est différent. Il y a une histoire. Il y a Tu te dis, cette série-là, Marvel Zombie, tu t'es censé attendre beaucoup. Tu vois? Et cette série. Pourtant, c'était pas tip top. Oui, ça fait. Alors ça que l'autre série sur Spider-Man, t'attends rien, tu vois. Je vais regarder, c'est une série Spider-Man classique, en fait, elle est vraiment géniale. Donc, c'est deux mesures, comme dirait l'autre. Mais il y a quand même un. C'est la même chose pour Star Wars. Hein. Moi, ça me déçoit quand même, à part Star Wars Vision où faire un animé, ça prend toute sa dimension. Je trouve ça décevant que toi, j'aimerais une série télé Spider-Man avec des vrais en live action. Avec Tom Holland avoir. Pas forcément. Pourquoi Pourquoi sur Miles Morales, par exemple, ça pourrait bien marcher. Quand tu vas t'acheter un comics Marvel, t'as plusieurs dessinateurs, t'as plusieurs univers. Pourquoi nous faire forcément un truc? Tu peux nous faire une série télé Spider-Man avec un autre acteur. Ouais, d'un autre univers. Tu racontes d'un autre univers. C'est comme quand t'achètes les comics, t'achètes les Rebirths, les ce que tu veux. Enfin, t'es pas obligé de lire la même version de Batman. C'est ce que essaye de faire. Bon, c'est un peu mal barré d'ici univers au cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de mettre de Batman, de Joker. Enfin, tu vois, c'est comme quand t'achètes un comics. Tu peux faire une série Marvel sans que ça soit forcément lié au MCU. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en train de se planter, parce que les ados qui sont en âge maintenant, par exemple, je vois mon plus jeune fils, il peut pas se mettre à Marvel, il y a trop de trucs à voir. Ouais, c'est pour ça que le MCU va être probablement reboot. Ils vont reboot tout ça. Mais ils avaient annoncé qu'ils feraient... J'avais fait un podcast... Oui, mais si, s'il faut reboot pour repartir sur... un univers qui va durer 10 ans, qu'il va falloir suivre. Moi, je pense que c'est une erreur. Non, mais j'avais fait un podcast, tu viens, que j'avais fait toutes les phases. Ouais. Et j'avais dit que justement, là où ça commençait à plus être suivi par les gens, c'était les phases où tu avais 5-6 séries dans l'année, 6 films, et à la fin, tu t'y perdais. Et j'ai cru comprendre que là, il va revenir comme dans la phase 1 et 2. Une, deux séries par année. Et 3 films, quoi, pas plus. Peut-être 2. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, justement, de faire des histoires qui durent sur une décennie. Tu fais des séries... Enfin, tu fais des stand-alone, quoi, ou... Moi, j'aurais plus envie de voir ça, tu vois, par exemple, le Batman de Matt Reeves, qui n'est pas lié à l'univers de... Comment dire, de James Gunn, a priori, mais je trouve ça très bien. C'est très bien. Tu regardes ce que tu veux, ce que tu as envie de voir. Tu as envie de voir un Batman style détective. En fait, t'es pas obligé de tout voir pour. Voilà, et t'as pas besoin de tout voir. Tu peux avoir des séries des stand-alone. Je pense que les gens ont envie de voir ça. Bah, t'as le cas, par exemple, pour des stand-alone, t'as Moon Knight, t'as Echo, avec quelques petites références à d'autres personnages, mais. En fait, le truc, c'est que ce qui a fait la force du MCU, c'était cette connexion entre tout et qui était vraiment géniale. Et peut-être que maintenant, c'est un peu plus en train de les desservir en mode. Voilà, c'est ça. À un moment donné, il faut s'arrêter. Bah, quoi. En fait, le truc, c'est. Mais je pense qu'ils avaient parlé qu'ils allaient arrêter de faire ça. Oui, c'est prévu. Ils ont dit que maintenant, tu vas regarder tes films au ciné. Et puis, si tu veux aller plus loin, tu peux regarder les séries, mais ça va plus enlever. Mais si tu les regardes pas, tant pis. Ouais, ils seraient arrêtés à Endgame, tu vois. Puis, paf, on arrête tout et puis on fait autre chose. Ça aurait été parfait. Mais là, en fait, ils ont entaché. Ils sont en train d'entacher tout l'ensemble du MCU et du coup je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que Chris Hemsworth bon, par exemple il va faire Thor combien de temps encore? Il n'a pas signé pour à un moment donné il en a encore un officiellement il a encore un film officiellement ce que j'ai compris oui ou peut-être même plusieurs ça dépend ils sont pas sûrs si ça marche ils vont les Thor même quand ils sont nuls ça marche hein. Je rêverais pas à comprendre. Le dernier, il a pas bidé, mais il n'a pas cartonné non plus. Ouais, il a pu bider. Hein. Tu vois, il aurait dû. C'est clair. Ouais. Non, mais tu vois, ça devient. Comme par exemple, je vais faire un parallèle. Je ne sais pas si vous avez regardé la série Peacemaker. Non, je n'ai pas regardé. J'ai envie de la voir, mais je ne peux pas regarder. Je suis ultra fan de cette série. C'est James Gunn à fond, c'est excellent. Avec John Cena, par exemple. Le catcher. Ah ouais, non, mais franchement, j'adore. Et dans la première saison, à la fin, on aperçoit Aquaman et Wonder Woman. Oui, et puis... Les silhouettes, voilà. Et entre-temps, ils ont changé. Donc, on ne voit pas Wonder Woman. Et on voit Lex Luthor du Superman de James Gunn. Tu vois, même eux, ils commencent à... Je pense qu'il faut arrêter de toute façon, faire des connexions entre les séries et les films. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Après, avoir des clins d'œil entre les trucs, c'est cool. Ça peut poser... C'était plus un clin d'œil, là. Donc, c'est moins gênant, là. Tu vois, regarde, tu prends Loki saison... Et c'est pour ça que c'est génial, Peacemaker. Tu prends Loki saison 2. Tu sais forcément qu'il y a un lien avec Doomsday. Tu te dis... Oui. Tu te dis, putain, ceux qui n'ont pas vu Loki saison 2, ils ne vont pas comprendre pourquoi Loki est là. Ah bah c'est clair, parce que pour eux, Loki est mort. Ou alors disparu, non, il a disparu, je crois. Ouais, mais bon... Un résumé, ouais, mais... ça va pas non plus gêner les gens. Non, parce que ils vont dire dans deux phrases, ils vont le résumer en une phrase dans le film, et puis voilà quoi. Le Loki des films, il est mort sur le vaisseau quand Thanos récupère la pierre d'infinité. Hein. Oui, mais si tu te souviens, il récupère le cube cosmique et il disparaît. D'où l'intervention du TVA. Mm. Oui, c'est vrai qu'on le voit dans le film aussi, ça, ouais, c'est juste. Ouais, c'est vrai. Oui, on le voit. Ouais, et pour nous, il est pas mort dans le film. Ouais, parce oui, c'est vrai, l'ancien Loki, le Loki de 2012, en fait, ouais, c'est vrai. Exact. D'ailleurs, il prévoit même c'est dommage, tu vois. Il y a une rumeur qui court qu'il y a un projet de série de Captain America, une mini-série, ouais, qui va qui en cinq épisodes pour le voir en train de restituer les pierres. Bah, ça, franchement, ça me botterait plus, tu vois. Ouais, moi aussi. Ils ont pas compris quoi. C'est un truc de dingue. Bah, on... Faut faire autre chose. Ne boude pas, Olivier, t'inquiète pas. Là, ils sont en train de finir ce qu'ils ont commencé parce qu'ils ont. Ouais, et de toute façon, ils annoncent un calendrier et donc ils vont faire leur calendrier. Le truc. Voilà. Donc, ouais, mais c'est... Je pense que là, le point de mire, c'est Secret Wars et puis après, ils vont reboot et ils vont rechanger d'approche en fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Parce que tu peux pas. Enfin, là, ça va faire quoi? Ça a commencé en 2005, je crois, avec Iron Man. Oui, oui. Avec le premier Iron Man. Moi, je pense sincèrement, je pense que ça va marcher, les Avengers, là. Mais je ne suis pas sûr que ça va faire un carton non plus monumental. Et je pense qu'après ça... Pas sûr. Il y aura une longue pause. Il y aura une longue pause. Pas sûr. Tu sais pourquoi? Peut-être. T'as Robert Downey Jr. Et rien que ça, mec, ça va cartonner. Je te dis. Ça va marcher. Mais il t'a dit pas autant. Parce que les gens, ils veulent savoir ce qu'il est devenu Iron Man. Faut quand même savoir que le Endgames, il a fait plus que Avatar. Hein. Mais tant que ça fait plus qu'Avatar, ça me bat, moi. Hein. Voilà. Ouais, mais ça le fera pas. Ça le fera pas. Faut que ça fasse plus. Et je pense que ça va marcher, mais comme tu dis, parce qu'il y a Robert Downey Jr., etc., donc ça va attirer du monde. Mais ils vont pas continuer sans le lancer. Je pense qu'après, il y aura une longue pause. Et après, ça sera certainement un reboot total. Avec des nouveaux acteurs. Non, je ne suis pas sûr du reboot total. Ils voient qu'avec les anciens, non, ça fonctionne. Non, parce que. Parce que la problématique, c'est d'avoir fait mourir Iron Man. ça peut se comprendre parce que Robert Downey Jr. ne va pas faire ça jusqu'à 80 ans. Et du coup, à la fin... Enfin, ça dépend du chèque. Avec des... Oui, Spider-Man, ils n'avaient pas vraiment les droits. Donc du coup, à la fin, ils se sont retrouvés avec qui ? De charismatique, les gardiens et Thor. C'est tout. Bah, j'aimerais bien quand même revoir Star-Lord. Ça serait pas mal. C'est là que ça a décliné, en fait. Ouais. C'est parce que finalement, t'avais plus de super-héros charismatiques. On sait déjà qu'ils ont... Enfin, tu vois, t'as par contre les gars fantastiques qui sont arrivés. Tu sais qu'il y a les X-Men qui arrivent aussi. Donc, je sais pas trop dans quelle mesure... Ouais. Moi, je pense je pense pas qu'ils vont arrêter. Je pense qu'ils vont vraiment reboot le truc après. Complètement, ouais. Après, enfin, comme dans les comics au final, hein, après Secret Wars, c'était un gros reboot. Et Bah, il faut à un moment donné, il faut. Parce que t'es mais je pense qu'ils vont garder quelques personnages qui étaient intéressants. Et il y en a plein qui vont passer à la trappe. Et comme disait Benji, je crois qu'ils vont enfin arriver à un moment où tout sera plus connecté. Il faudra plus que tu vois tout pour comprendre. Bah, c'est ce qu'ils avaient prévu. Hein, c'est ce qu'ils ont dit. On va arrêter de connecter tout. On va. Si tu regardes avant, t'avais et surtout, faudrait qu'ils commencent à faire des l'autre, etc. Ça marchait bien en fait. Hein. Faut qu'ils commencent à faire des bons scénars aussi, quoi. Ça aussi. Ouais. Ouais, attends ta prochaine série, hein. Wonder Man au mois de décembre. Oh. le seul truc intéressant de cette série-là, c'est de revoir Ben Kingsley. Oui, j'avoue. Ouais. Le mandarin. Honnêtement, c'est le seul truc qui m'intéresse là-dedans. Le mandarin. Donc. Ouais, mais tu sais, ces genres de trucs, par exemple, OK, je l'attendais pas du tout cette série-là. Je suis une série sur Hawkeye et tout. Au final, c'est bien. Non, mais j'ai bien aimé Hawkeye, mais c'est pas non plus. Il n'y a pas de quoi. Puis Wonder Man, c'est pas le personnage que tout le monde connaît. J'étais obligé d'aller me renseigner sur qui c'était. Moi. Pareil, je connaissais pas du tout. Voilà, puis s'imagine que ça va. Enfin, je sais pas. Après, pour que ça marche, il faut que la série soit absolument exceptionnelle. Hein. Bon, je pense qu'ils vont la sortir en mode. On l'avait prévu, on la sort, mais c'est tout. Hein. Ouais, voilà. Je sais pas s'ils vont faire tous les épisodes d'un coup et puis. Ouais, mais c'est ça, parce que honnêtement, moi j'ai même pas vu beaucoup de publicité sur cette série-là, quoi. Il n'y a pas de marketing autour quasiment. Non, il y a la bande-annonce qui est passée sur YouTube, mais c'est tout, quoi. Enfin. Après, bon, on verra, de toute façon, c'est pas. On verra. De toute façon, au final, si on devait retenir une série cette saison, cette année, vous la retiendrez. Parce qu'il n'y a plus de série à part Wonder Man, là. C'est laquelle que vous retiendrez ? Pas Marvel Zombie en tout cas. Pas Ironheart. Non. Bonne question. Bah, cette année, Daredevil, effectivement. Daredevil. Et pourtant, elle n'a pas marché. C'est un truc de malade. Elle est très bien, et pourtant, elle n'a pas marché. Je crois qu'Olivier, c'est Ironheart, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense que ça, c'était la préférée. C'est certainement exceptionnel. Il y a Eyes of Wakanda aussi qui était. Oui. Oui, c'est vrai. Bien accroché. C'est vrai. Oui. Et c'était aussi une série en 4 épisodes. Hein. Oui, mais c'est fait différemment. Mais c'est pas une histoire continue, faut, c'est 4 épisodes indépendants. Oui, c'est bien. J'avoue ça, j'ai bien aimé. On passe un épisode là-dessus. Tiens. Et Wonder Man, c'est 8 épisodes qu'il prévoit. Combien ? 8. Combien ? Ça va être long. Ça va être d'une longueur. Oui, c'est avant Noël. Ça dépend, ça se trouve, ça va être super bien. Apparemment, il sort en janvier. Le 27 janvier. Je crois que ça sort à Noël, tu vois. Ils vont te faire comme écho, ils vont tout sortir d'un coup. Donc, C'est ça, parce qu'en janvier, il n'y a personne qui la regardera. Pourquoi en janvier, il n'y aurait personne qui la regardera? Ah non, n'importe quand, personne ne la regardera. Les gens ont froid, ils ne regardent pas les séries. Wonder Man, c'est déjà la 17e série du MCU, en fait. 17e, et dernière. Ouais, mais ils comptent les dessins animés. Je ne même pas. Est-ce qu'ils comptent la saison 2 de Spidey et ses amis? Extraordinaire. Non, je sais pas. C'est la page wiki là, je vois. Maintenant, t'as Iron Man. Toi aussi, t'as Iron Man et ses amis extraordinaires. Non. T'as pu. Ah oui, ils ont sorti ça aussi. Et les filles ont regardé ça l'autre fois. Je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Bon, êtes-vous prêts maintenant à écouter deux bonnes critiques, deux critiques moyennes et deux mauvaises critiques ? Et vous me dites si vous validez ou pas. En fait, je suis curieux d'avoir les arguments des bonnes critiques. Alors, je voulais juste dire un truc avant, vas-y, Benji. Vas-y, dis-moi. Le seul truc qui a marché chez Disney et qu'il faut qu'il intègre le MCU, c'est Stitch. Alors, au niveau critique, critique spectateur, mais tu sais qu'il y en a qui veulent que Stitch. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui veulent que Stitch. T'avais une rumeur qui courait que Stitch allait intégrer les Avengers. Quand même. Non, c'est pas une rumeur, ça serait un nouveau groupe. Enfin, un nouveau groupe de fans qui disent ouais, il faudrait trop qu'il soit dans la MCU et tout. Blague à part, une qui m'intéresse pas mal, c'est Vision Quest. J'attends toujours que ton podcast sorte sur le sujet. Oui, moi aussi. Mais Vision Quest, elle me botte bien, moi. Quand je vois, c'était Mewanda Vision et Agatha, c'est dans la suite logique. Ouais, c'est ça. Donc, soit vraiment retrouver James Spader, et ça, c'est cool. Oui, c'est vrai. Alors, la note moyenne spectateur sur 5 étoiles. Je suis sur un site qui commence par Allo et qui finit par cinéma. Iné. Oui, ouais. Iné, voilà. Allo, Iné. Critique spectateur, 3,6 étoiles sur 5. À l'heure où je regarde. Critique presse, 3,2 sur 5. Donc, vous voyez, c'est kiff-kiff quand même. Voilà. Mmh. Sachant qu'il y a deux magazines de presse, ils mettent 4 étoiles sur 5. Il y en a juste une qui met une étoile sur 5. Donc une étoile, c'est dur quand même. 4 étoiles, c'est lourd quand même. Zombie. Oui, bah, 4, c'est beaucoup. 4, c'est peu, je trouve. Bah, en fait, le scénar, ça vaut, hein, pas plus. Hein. Bon, vous êtes prêts pour les deux mauvaises critiques. Première mauvaise critique. Design excellent, tout comme l'animation. C'est plutôt bien de retrouver des héros. C'est assez sanglant et c'est tant mieux. Malheureusement, l'humour potache made in Disney et avoir choisi Kamala, l'un des personnages les moins appréciés de l'univers, comme protagoniste principal est une énorme erreur. Dommage, il y avait du potentiel. Ah bah, Yegoum, ouais. Hey, t'es en plein dedans, mon petit Olive. Bah ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est... Ouais. J'aurais dû mettre Chigulk aussi, tant pis. T'arrêtes. Attention, tu vas nous faire Chihulk. On touche pas à Chihulk. Chihulk avec Stitch. Non, mais c'est une actrice que j'adore. En oui. Que je vénère même. Ça, tant mieux. Bon, on lui dira. Par contre, je lui dirais que t'aimes pas son rôle de Chihulk, tu vois. C'est pas que j'aime pas. Enfin, c'est la série qui est ratée. Quoi, oui. Mais c'est pas... Franchement, parce que. C'est quoi la série où elle jouait les clones, là? C'était. Aide-moi. Ah, mais c'est... C'est la série qui l'a révélée, en plus. Oui. Orphan Black. Orphan Black. Orphan Black. Qui est génial. Je n'ai jamais vu une performance d'actrice comme ça. Elle est capable de prendre plusieurs... En fait, elle, je fais vite fait. Elle joue des sœurs clonées qui ont un aspect physique différent. Et à un moment donné, il y a les sœurs qui se déguisent, se font passer pour des autres sœurs. Enfin, c'est compliqué. Tu les reconnais au premier coup d'œil. Oui. Alors, face à elle est habillée comme l'autre sœur. Physiquement et à la façon dont elle en deux secondes tu la reconnais. Enfin, elle est exceptionnelle. C'est une des plus grandes actrices qui existe. Je pense que cette série là ça me fait un peu penser. Enfin, le jeu d'actrice, parce que vraiment la série est super bien, elle joue super bien. Mais ça me fait un peu penser à la fameuse scène dans Harry Potter où t'as Bellatrix Lestrange qui joue. Enfin, t'as Hermione qui se transforme en Bellatrix. Et donc en fait, tu as. Oh mince, j'ai oublié son nom maintenant. Du coup, la femme de Tim Burton. J'ai complètement oui, je vois. Ah, j'ai plus en tête. Oui. Qui joue, du coup, son personnage comme si c'était Emma Watson qui le jouait. Et du coup, c'est vraiment... c'est une super actrice aussi, quoi. Honnêtement, Orphan Black, pour moi, ça a été le même genre, en fait, de performance, mais bon, sur une série, quoi. Bah, c'est encore plus impressionnant parce qu'elles sont même physiquement. Ouais, c'est et ça. Puis physiquement, elles sont identiques. Donc, Elena Boham Carter, ça y est, ça me revient. Exact. Tu vois, tout ça pour te dire que c'est pas Chihulk qui avait tout compris. J'ai compris. Mais t'essaies de te rattraper. J'aurais dû être je vais quand même l'appeler pour qu'elle vienne te casser la gueule, t'inquiète pas. Il suffisait des bons effets spéciaux et puis un bon scénar. Et puis, c'est pas ce qu'on a eu. Si, un bon scénar, qu'est-ce que tu racontes? Excellent ce scénario. C'est juste qu'il est pas à ton goût. C'est pas pareil. C'est pas pareil, Olivier. Non, mais quand tout le monde pense à la même chose, c'est peut-être toi qui te trompes. Non, justement. Moi, je suis un peu isolé. Moi. Bon, deuxième critique super négative. Franchement, Marvel Zombies, c'est une énorme douche froide. Le concept de base avait tout pour cartonner. Mais non, Marvel a encore sorti la sauce Disney, blague forcée, zéro tension. Le pire, c'est que ça fait bâcler, le rythme est rushé, les personnages sont expédiés, aucune profondeur dans l'histoire, ça sent le produit vite fait pour remplir le calendrier. Et cerise sur le gâteau, le choix de mettre Kamala Khan en avant, sérieux, dans une série censée être un virage sombre, tu donnes le premier rôle à un personnage sous-côté qui n'a pas le charisme nécessaire pour porter un tel univers. Bon, bah ça rejoint ce que Olive pensait, en tout cas. Franchement, je reviens dessus, mais je comprends pas. Ça paraît tellement évident. C'est... Paris raté, il marque Tristan. Merci Tristan. Il a appelé son commentaire Paris raté. C'est comme s'ils allaient nous faire une série télé avec Rey Skywalker. Oula, t'es pas à l'abri. Déjà, on pourrait éviter d'appeler Skywalker. S'il vous plaît. Bah, pourtant, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. Non, si elle dit, comment vous avez-vous Rey, comment Rey Skywalker. Oui, mais le fond aurait pu mettre Ray Charles, c'était pareil, tu vois. Ray, comment oh yeah, Ray Charles, oh yeah. Donnez-moi un piano. Hit the road. Donnez-moi un piano. Hit the road. Donnez-moi un piano. Alors, super bonne critique. Alors, attention, vous êtes prêts? Il y en a une bonne. Bah, j'ai pris deux mauvaises. Donc, maintenant, je vais prendre deux bonnes. Ouais, on fait comme ça. Mais c'est que t'as trouvé. Ouais, bah, si, je t'ai dit, ouais, c'était. Non, mais je une très bonne série. C'est une certaine Nadège, c'est pas ça? Ah oui, Nadège. Regarde le nom du. Nadège Nsodrissa. C'est Nadège Nsodrissa. Moi, j'ai bien aimé. Ah, moi, j'ai bien aimé. C'est de la merde, Nadège. Non, mais j'ai bien aimé quand même. Moi, j'aime bien la merde. Attention, vous êtes prêts? Une très bonne série qui apporte un vent de fraîcheur sur le MCU. La série ne fait pas spécialement peur, mais cela reste fort sympathique. On retrouve l'animation superbe des What If. Cette série nous permet de retrouver des personnages qui n'apparaissaient plus depuis longtemps, comme Blade, Moon Knight et j'en passe. MCU, continuez sur cette lancée et proposez-nous plus de séries comme ça. C'est qui j'en passe? J'en passe. En fait, on peut pas donner tort à cette mais non, parce que Blade critique, en Moon Knight est bien. La critique est bien, mais en fait, le problème, c'est que ça prend qu'une partie de la série en compte, en fait. Mais bon, après... Enfin, il manque quand même pas mal de choses, quoi. Ouais. Attention. En fait, l'idée était bonne, mais la finalité n'était pas géniale. Deuxième, attention, critique. Une excellente surprise. Marvel Zombie laisse de côté l'humour habituel pour nous plonger dans un pur survival horror. On n'a pas vu le même truc. L'action est non-stop, la tension est constante et ça fait plaisir de voir la nouvelle génération de héros face à un danger aussi radical. C'est gore sans concession et ça se dévore d'une traite. Si vous voulez un Marvel différent, qui ose enfin foncer. Bon, alors là, je pense qu'on ne peut pas forcément être d'accord avec le côté... laisser le côté de l'humour habituel, non? Non, mais c'est un commentaire de Kevin F. Non, il s'appelle Neo. Ouais, parce que son pseudo. Hein. Donc, ouais. Un survival horror, j'y crois moins. Ouais, c'est... Ouais. Non, si vous voulez une série d'horreur, il y a autre chose qui est génial en ce moment. C'est le truc avec ça, non? Et bon, ça... Oh, mais c'est extraordinaire. Ouais. Ouais, il paraît que j'ai vu des j'ai pas regardé. C'est hallucinant. On va dire que au final, si tu devais conclure, Olive, sur cette série, tu dirais quoi? Ne la regardez pas. Ne perdez pas votre temps. Et toi, Tony? Je serais pas aussi catégorique. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas la série ultime. Regardez-la si vous avez vraiment rien d'autre à regarder ou que vous voulez vraiment être complétiste du côté de Marvel. En fait, c'est ça un peu le truc, c'est le côté complétiste parce que du coup, j'ai regardé tout ce qui était sorti en Marvel et celle-là, c'était pas la meilleure. Quoi. Ah ouais, je dirais à regarder parce que quand même, il y a des choses qui sont pas mal, qui sont à prendre dans cette série-là. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Mais voilà, si vous le regardez pas, c'est pas très grave non plus, quoi. C'est pas. Voilà. Je pense à Moon Knight, à Blade Moon Knight, moi ça m'a. Ouais, ça c'est bien. C'est genre de truc. Oui, mais ça. Oui, mais ça suffit pas. C'est 10 minutes sur. Voilà. Oui, mais. Ouais. C'est 10 bonnes minutes. Et le moment avec les Atlantes aussi qui est pas mal. Mais pour dire. Bah, qu'ils nous fassent Blade au cinéma, le Blade normal déjà. Et puis, ouais, que tout le monde. Ce que tout le monde attend, tu vois, tout ce que tout le monde a envie de voir, ça n'aboutit pas. Ben c'est pas grave, c'est celui avec Wesley Snipes, ce qui est très bien. On va faire Miss Marvel. Hein. On va faire une série de zombies. On va faire The Marvel, hein. Avec des chats partout qui mangent et tout. C'est que d'ailleurs, ça rejoint une discussion qu'on a eue où quand ils font les scénars, ils se mettent autour d'une table. Et ils font, je pense, des... Oui, c'est comme les petits chats, ouais. C'est... Oh, c'est génial. Le mec, en fait, des petits chats, ils s'intéressent. Non, mais c'est... Ils sont autour d'une table. Ils prennent des œufs. Oh, j'adore. Il n'y en a pas un qui dit... Le public, il a... Et les gars, on ferait pas un truc qui marche pour une non, fois. Non, mais il n'y en a pas un qui dit... Attendez, les gars, non, là... mais c'est que le MCU, il faut qu'il vire Nadège, quoi. C'est, Elle est adorable, Nadège, je l'adore, mais il faut qu'elle arrête de faire les scénars de... du MCU. Si tu avais un scénar dans Marvel, tiens, un scénar. En... Nadège, si tu nous écoutes. Nous écoute pas, c'est connu. Si tu avais un scénar à faire, si tu avais un scénar, voilà, Disney te dit, voilà, je veux faire un Marvel zombie, tu me fais un scénar. Ton histoire, ça serait quoi? Pas ça, en tout cas. Oh. Ton super-héros qui mènerait la danse. Bah, tu veux que ça cartonne, c'est... tu mets ou Iron Man déjà, ou Spider-Man. Ouais. Ou les deux. Ou les deux. Ou les deux, oui. Tu prends pas les... Oh, tiens, on va prendre les super-héros. Tout le monde se... Et vous vous souvenez, dans le troisième Avenger, le gamin numéro 4 qu'on voyait à l'arrière-plan, eh ben, en fait, il a des super-pouvoirs et c'est lui qui va lider l'équipe. Non, voilà. Ça marche pas. Oh, ça marche pas. Oh, et toi, Tony, si tu devais faire mener la danse par un... Par un... Moi, honnêtement, je mettrais Iron Man. Ah ouais, oh, pas moi. Parce que Iron Man et potentiellement Bruce Banner... Mais plutôt Bruce Banner que Hulk. D'accord. Ça pourrait être sympa. Mmh, ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, genre un Bruce Banner qui arrive plus à se transformer, un peu comme on a eu dans Infinity War. Parce que Professeur Hulk, bon, ça va bien. Enfin, je trouve qu'ils l'ont un peu raté dans le film. Ou Doctor Strange, enfin, je sais pas. Oh, Strange, ça pourrait être sympa aussi. Strange, ouais. Ça serait bien, en fait, parce qu'avec ses pouvoirs mystiques, ouais, ça collerait aussi, ouais. Mmh. Avec le film, en plus. Ouais, ouais, c'est vraiment très... Vous êtes très axé à Iron Man, vous. Ah, on mettrait pas Kamala Khan. Non, c'est clair. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire pas de Kamala Khan. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Vu qu'on est dans les zombies, on a fini le tour, hein, sur Marvel Zombies, mais j'aimerais bien que vous donniez un petit peu une série, un film que vous avez bien aimé de zombies. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une série, mon petit Olive, mais est-ce que tu as une série? Non, est-ce que c'est celle-là que tu sélectionnes et un film? C'est celle qui m'est venue comme oui, ça. Oui, c'est pour ça que je te précise. C'est iZombie, en fait, mais j'ai pas tout vu. En fait, c'est une adolescente zombie qui aide la police à enquêter sur les meurtres. Et puis sinon, il y a Santa Clara Diet. Ah oui, j'ai adoré. C'est celle que je voulais prendre. Ouais. C'était trop j'ai bien. Adoré. C'était une super série très drôle et qui malheureusement n'a pas été renouvelée. Ouais. Au-delà de 3 saisons. Pareil, c'est une mère de famille qui devient zombie et du coup, son mari fait tout pour trouver un moyen de la nourrir sans trop, tuer de gens. Sans trop causer de massacre. Voilà. C'est très drôle. Sans moi, couper des organes. Voilà. Ah ouais. Okay. Après, en film. Il y avait le film sur le casse. Ah oui, avec le catcheur. Avec le catcheur, avec Batista. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est sur Netflix, Zack Snyder. Ouais, c'est ça, celui de Zack Snyder. Et bah justement, je pensais à un film qui m'avait marqué au cinéma. C'est Le Retour des Morts Vivants de Zack Snyder, en fait. Je crois que c'est son premier film, son premier long métrage. Et il m'avait beaucoup marqué au cinéma à l'époque, quand j'avais vu. Mmh. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça. Ah, j'aurais cru que vous étiez parti sur Bienvenue à Zombieland ou un truc comme ça, tu vois. Bienvenue à Zombieland, ça marche bien, oui. Ouais, mais c'est plus de la... Ou 28 jours plus tard, c'est un truc comme ça. Oui, 28 jours plus tard, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Mais tu sais, j'y pensais plus à celui-là. Celui avec Brad Pitt qui est bien aussi, parce que c'est le... Ah, zombie... Comment ça s'appelle? Oh là là. The War, non. Non, Benjamin. Tu vois le film avec Brad Pitt, World War Z, ouais. Oui, voilà, parce qu'en fait les zombies qui sont speed, qui grimpent de partout, c'est un peu original, donc j'avais bien aimé. Mais je sais plus dans le film Dernier Train pour Busan s'ils courent les zombies, je sais plus. J'ai bien aimé celui-là, Dernier Train pour Busan. Je sais pas si vous l'avez vu. C'était sur Netflix à une époque donnée. Non, j'ai pas vu. C'est un film à regarder absolument. Puis j'ai pu, il y avait Je suis une légende que j'ai bien aimé aussi. Bah sinon il y a Shaun of the Dead. Oui, oui. Dans le grand classique. Ouais. T'as aussi Evil Dead. Si vous aimez Sam Raimi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, ouais, mais c'est pas un film sur les zombies. Oui, j'avoue. C'est plus des gens possédés. Bien sûr, c'est extraordinaire. Hein. C'est plus. Mais de toute façon, quoi. Si vous voulez regarder un bon film de zombies, ben, faut regarder un film de. Non, mais tu regardes un film de George Romero. T'es sûr que c'est une valeur sûre? Bah, c'est lui. T'as La Nuit des Morts Vivants, L'Armée des Morts, je crois aussi. Land of the Dead. Enfin, toi, c'est une valeur sûre, Romero. En tout cas, on va dire de films de zombies. Ouais. On pourrait prendre le clip de Thriller. Ah oui, finalement, c'est une histoire avec des zombies. Tout à fait. Tu peux prendre. Oui, il y a des zombies, effectivement. Il y a des loups-garous. Il y a des zombies, il y a tout ce qu'il faut. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ah, il y a aussi Zombies, la série, pour faire plaisir à Nadège, sur Disney Channel. Ouais, c'est sympa en plus. Ouais, mais franchement, j'avais regardé. Mes gamins aiment bien. C'est fun. J'aime regardé ça avec la petite et au final, j'ai bien accroché aussi. Ouais. Vous regardez des trucs bizarres, vous. Écoute, me dis pas que ta fille a pas regardé ça. Non. Regarde pas ça. Sur Disney Channel, non, non. Bah, non, on a plus Disney Channel. C'est... Oui, non, mais, enfin, non, mais c'est t'as, t'as Disney Plus. Ah, Disney Plus, ok. Ouais. Bah, je... Non, non, ouais, non, non regarde Bluey. Voilà, c'est bien Bluey. Mais t'as pas de zombies dans Bluey. Je vois pas ce que c'est. T'as... Tu connais pas Bluey? Tu connais pas Bluey? Non. Ah, t'as de la c'est chance. Tu connais pas Bluey, non, bingo non. Et Bluey Rip. Non, c'est pour les enfants, c'est oui. ça Oui, mais c'est, les petits c'est la série qui a mieux marché, je sais plus. Non, bah non. Je... D'accord. Voilà. Australie, non, non, bah, je me rappelle de la fameuse époque de la maison de Mickey, mais le générique tourniquet, qui tourne en boucle dans ta tête. Au tourniquet. Et en plus, je l'avais à Disneyland Paris. Et toi, alors du coup, petit Tony, une petite série là, une petite série à regarder. Bah, la série Santa Clara Diet, celle-là, ça, c'est une qui m'a bien plu, qui était cool. Il y a eu aussi la tentative de série de... j'ai dit là tout à l'heure, j'ai oublié le nom maintenant, de Resident Evil, qui était la tentative était pas mal, mais j'ai enfin, j'ai pas vu. Eh bien, il y a qu'une saison. Pas mal fait. Ouais, bah, j'ai pas regardé parce que je savais que c'était annulé en fait. Ouais, mais moi j'ai regardé parce que quand elle est sortie, c'est annulé la saison 2. Tu dis ah quoi ça que je regarde la saison 1 quoi. Moi je savais pas que c'était annulé quand j'ai regardé. Alors moi j'ai une série à vous conseiller, c'est Kingdom. Frankenstein, il paraît que c'est exceptionnel, c'est bien de sortir. Cinéma. Ah oui. Cinéma. Oui. C'est déjà sorti au cinéma et bah, apparemment il est sorti au cinéma en Belgique je crois. Non, c'est sur Netflix. Ah ouais, ouais. C'est comment il s'appelle, oh là là, Guillermo del Toro qui l'a fait. Guillermo del Toro, ouais. il paraît que c'est exceptionnel. On est bien Guillermo. Apparemment c'est sorti le 30 août. Le mec il vit en Belgique, là où c'est sorti en premier, il s'en souvient pas. Bah non, mais j'ai même pas vu passer à ce moment là Frankenstein. Oh, ah oui, Guillermo del Toro, c'est la version de. Bah, Guillermo del Toro, franchement. Oui, bah lui, il a fait une super série d'horreur aussi, qui est géniale. Et d'ailleurs, tu te dis comment un mec aussi peut inventer. Son Pinocchio est génial aussi, il paraît. Son Pinocchio est très bon. Ouais. Tu te demandes comment il peut faire une série comme ça, sortir de sa tête. C'est le cabinet des curiosités. Il a fait. Le cabinet des curiosités. Et c'est lui qui aura dû qui faire. Qui a été fait en 2022. Il a dû faire les. Est génial. C'est lui qui aurait dû faire les Hobbits, tout ça aussi. Mais bon, il a fait Pacific Rim, qui est très bon aussi. Oui, il est bien. C'est pas le même genre, mais Pacific Rim. C'est pas exceptionnel, mais c'est un bon film. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Oh, j'ai bien accroché. En même temps, des robots géants qui tapent sur des monstres géants, moi, ça me va. Il y a le film qu'il a fait avec celui qui fait Loki, là, comment ça s'appelle? Oh là là. Oui. Machin Crix, là, je sais plus. Crimson Peak, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Tu t'en souviens plus? Ouais, si, c'est ça. J'ai retrouvé, c'est ça. C'est exceptionnel. Hein. Franchement, il y a une scène choc. Mais, franchement, je me rappellerai toute ma vie. Les amis, c'est la fin. Déjà une heure que nous parlons de zombies. C'est énorme. Et Hellboy, c'était génial, ça, Hellboy. Allô? Oui. Oui. Je crois que je bug. C'est bon, c'est parti. Les amis, c'est la fin. Merci. Ça fait 1h04 que nous sommes ensemble. C'est pas mal. C'était court mais intense. Ouais. C'est court mais bon. Donc, mais il fallait sortir cet épisode parce que je connaissais votre amour pour cette série. Donc, c'était. voilà. Bon, on n'en avait pas parlé pourtant. Hein? parle avec toi, moi j'en, ai pas parlé, j'en avais pas parlé avec toi. Non, non, non, non, t'avais déjà dit, t'avais déjà dit que t'en voulais pas, cette série-là. Ah, peut-être. Okay. Et on a même pas parlé des 4 Fantastiques. C'est même pas fait de podcast. C'est vrai qu'on a pas fait. Ah là là. Et tu fais on des, le temps, l'année des, pas finie. Des podcasts sur des nanars. C'est ça, Kélian, on sort de l'originalité. On fait des podcasts sur des voilà. nanars. Mais je fais pas que sur des nanars. On va en France pour Disney Plus. Oui, je dans 6 mois. C'est pas tout de suite. Donc, voilà. Olive, ton actualité, chaîne YouTube. Oui, YouTube. Vous aimez la vidéo de ma soirée et ma journée du 31 octobre à Disneyland Paris. T'étais avec Laurent ? C'était absolument exceptionnel. Il y avait des zombies. Oui, Laurent, Priscille. J'ai aperçu Nadège, Méro. C'était vraiment absolument génial. Bonne ambiance. Et puis, ah ouais, franchement, c'était comme une soirée passe annuelle, en fait. Il y avait des personnages jusqu'à pas d'heure. C'est un peu frustrant, d'ailleurs. Tu te dis, c'est une journée classique pour tout normal. Et les autres jours de la saison, les gens n'ont pas eu le droit à ça. C'est un petit peu... Ouais. Mais plus les moments sont rares, plus ils sont agréables aussi. Ouais, mais dans ces cas-là, tu fais une soirée, tu fais une vraie soirée. Quoi, oui, payante, ça, ouais, t'as eu de la chance, il y a le 31, moi voilà. J'étais en train de faire de la peinture, monsieur. Ah voilà, voilà. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai eu de la chance. Je travaillais. Et puis sinon, Tony travaillait, tu te rends compte ? Et tu te plains ? Ouais, Tony travaillait, le pauvre. Nous, on aurait bien voulu à ta place. Bah, j'ai pris une journée. Hein, t'as raison. Voilà, et puis il y a le podcast qu'on a fait ensemble aussi sur justement la saison d'Halloween. Halloween. Ils ont déjà annoncé, si je Halloween. Me trompe pas, la prochaine date. C'est l'année prochaine, oui. Ouais, on sera un peu plus tôt, elle commence le 26 septembre l'année prochaine. Presque un vœu réalisé, puisque oui, sur ton podcast, ça atteint ce. Non, mais ça arrête le 1er novembre. Pardon. Vas-y. Ça s'arrête le 1er novembre, ça ouais. Bah, comme ouais. là, non le 2 non, bah non, ça a arrêté. Bah, le 2 hier. Bah, hier, on était le 2. Bah, ça finit dimanche, quoi. Ouais, en fait, ils finissent les week-ends. Encore un mois, à 3 semaines près, ça a commencé début septembre, mais ils ont prévu l'autre saison avant, je pense. Donc voilà. Ouais, c'est ça, ça finit le 1er novembre, c'est un dimanche. C'est pour ça que... Donc on te retrouve sur ton. Et puis sur un podcast que t'as en commun avec Jérémy et Tony, qui s'appelle. Oui, bien sûr, ouais. Qui s'appelle Pas si lointaine, voilà, qui fait partie du hub. Nous parlons de Star Wars. Star Wars. Tony avec Rennes. Podcast aussi Just Dream It, je ne sais pas quand tu sors celui-ci, mais jeudi. Bientôt, ou est déjà sorti jeudi. Du coup, hier est sorti un épisode rapide sur Tronares que j'étais voir avec ma fille et on a un avis dessus. Est-ce que voilà. Tu spoil ou pas, parce que sinon j'écoute pas. Je spoil un peu. Ah merde, je peux pas l'écouter. Il y a du spoil. Tu peux écouter le début jusqu'à l'intervention d'Emma, il n'y a pas de spoil et après ça spoil. Il faut que j'aille le voir. Voilà. Mais c'est un petit peu d'une petite vingtaine de minutes. Déçu ou pas déçu sujet, là, on a voulu faire ce truc-là. Un peu déçu. Ah putain, tout le monde se me le dit. Un peu déçu, un peu long en fait. Mais la musique, elle est bien. Il aurait été. La musique est parfaite. La musique est parfaite. Nine Inch Nails, tu peux pas faire mieux. Si, mais, Daft Punk. Oui, c'est vrai. Oui, mais je veux dire, Daft Punk, il les a déjà pris pour le précédent, donc c'est compliqué de remettre tout Daft à fait. Punk. Donc il y a ça qui est sorti. Il y a une chaîne YouTube, sur YouTube où t'as repris les vidéos. Tony, j'ai repris les vidéos et où là ça sort à un rythme pas mal. J'essaie de sortir un truc par semaine. Soit un podcast, soit une vidéo. Donc voilà, là ça sort un peu. Il y a du Halloween là pour le moment. Et après il y aura du Halloween à Peridaisa aussi. Parce qu'il n'y a pas tant de vidéos que ça sur Peridaisa. Tu fais des infidélités à Disneyland Paris. Ouais, mon dieu. Et puis je prendrai les vidéos de l'été parce que tout n'est pas fini de cet été. Là, il y a d'autres parcs aussi qui vont. D'autres parcs d'attractions où j'ai été cet été. Donc, ouais, un peu de tout. Ouais, c'est bien. En fait, j'ai décidé de pas me prendre la tête. Je fais que des trucs que j'aime bien. Et même s'il n'y a pas de thème. Enfin, pour l'instant, il y a un thème un peu récurrent, c'est les parcs à thème d'attractions. Je trouve que c'est les meilleures vidéos. Mais aussi un jour, je vais parler d'autres choses. Je trouve que c'est les meilleures vidéos. Tu sais, tu sors ta cam et puis tu filmes ce qui te vient comme ça. Mais c'est exactement ça en fait. C'est comme ça que j'ai. C'est dans la spontanéité, dans l'instantané. C'est génial. On est allé ce week-end à Peridaisa et j'ai fait une vidéo où j'ai juste filmé, j'ai pas parlé une seule fois. Et c'est Halloween à Peridaisa et ça va sortir, il n'y aura pas une parole, je pense. Bah, tu vois, c'est comme celle de la soirée, la journée d'Halloween, on ne voit pas une seule fois à l'écran. Mais pourtant, je sais que t'es pas beau. Un seul mot. C'est ça qui est chiant. C'est vrai. Parce que nous, on a la chance de te voir là. Ouais, pas te toucher. dans un piteux état, vautré sur le canapé. Les gens, il est à poil et torse nu. Et avec une belle petite lumière rouge. Lumière rouge. Ouais. Rouge. Tamisé. Mesdames. Comme chez Marie Claude. Bon, allez, les amis, je vous souhaite un joyeux Halloween. Enfin, du moins, je vous souhaite un en retard, puisque Halloween c'était la semaine dernière. Mais voilà, j'espère que vous allez avoir quand même Marvel Zombie, histoire que vous puissiez avoir votre propre avis ou pas. Voilà, si on écoute Olivier. Le Vision Quest, enfin, du moins, le podcast spécial sur Vision va sortir. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Voilà. En 2028. Oui, c'est Jésus-Christ. Ça. Non. Il va sortir. J'ai commencé à refaire des vidéos régulièrement avant que tu sortes ton podcast. Oui, mais. C'est pas gagné pourtant. Oui, mais tu sais, ça met un peu, toujours un peu de temps. J'ai la voix enregistrée de. D'Olivier. Voilà. Il y a la voix enregistrée d'Olivier. Il y a ma voix. Et il y a la voix de ma femme. Il faut que je puisse recoller tout. Voilà. Donc. Mais promis, il faut que je sorte. Mais c'est toujours pareil. C'est vu que c'est un peu en livre audio. C'est pas évident à sortir comme ça. Voilà. Mais bon, vous avez Marvel Zombie en attendant, ce qui est pas mal. Voilà. Merci Olivier. C'est pas aussi bien, mais c'est pas mal. Merci Olivier. Merci Tony. Merci encore. Et puis on se retrouvera sur l'un de vos podcasts ou le mien. Voilà. Comme d'habitude, je mets en lien le Discord qu'il faudrait que Tony me donne un lien permanent parce qu'à chaque fois que j'en mets un, on me dit Benjamin, mais il périme. Ah non, il est dans le mais chat. À chaque fois, il périme, moi, on me dit. Non, mais celui que le dernier que j'ai mis, il périme plus. Bon, bah, je vais regarder ça. Je te le renvoie-le moi, comme ça je le mettrai. Voilà. Gros bisous, les auditeurs. Et puis, plein de Marvel à vous. Voilà. Et puis, on va espérer que vous allez apprécier Wonder Man. Voilà. Ça a l'air d'être une série qui va en jeter. Benjamin, c'est pourri, donc Benjamin va faire un podcast. Pour tous les trucs bien, c'est pourri. Mais il faudrait vraiment qu'on fasse sur les 4 Fantastiques et sur Eye of Wakanda, parce que c'est vrai que Eye of Wakanda, c'est bien. C'était bien, effectivement. C'était bien. Allez, bise. Salut. Ciao.